Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Hashtag mémoire d'éléphant. Hashtag mémoire pleine ennemi. Hashtag frérot mets les camps. Hashtag c'est la haine ennemi. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Hashtag mémoire d'éléphant. Hashtag mémoire pleine ennemi. Hashtag frérot mets les camps. Hashtag c'est la haine ennemi. Hashtag mémoire pleine ennemi. Mais tranquille on encaisse ennemi. Mais prison devant le reste ennemi. Ils font du peur à des balances. Ils veulent tout savoir si je fais ennemi. Ils savent déjà que j'ai le talent. Mais préfère sucer si j'ai le baise ennemi. Tu t'es su fumer comme marrant. Ce que j'écris c'est violent mais marrant. Posé à la tête comme en Thaïlande. Les Yanglis pour moi c'est des pharaons. Qui note et je démarre frérot j'avance. Si t'attires l'attention je file nègre. Des sourds avec Daredevil nègre. J'ai déjà vu mon futur dans mes points de suture. J'écrase tout puissant par l'avenir nègre. Capable du meilleur du pire nègre. Qui survivra si ça tire nègre. Coach class pour Garetti nègre. Dans quel monde Louis Vuitton. Pas les hajas gros on s'arrange. L'échantillon lui fait de phalanges. Pas de me croche des carnavals. C'est quoi c'est mon flow ou l'occurrence. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Hashtag mémoire d'éléphant. Hashtag mémoire pleine ennemi. Hashtag frérot mets les gants. Hashtag c'est la haine ennemi. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Hashtag mémoire d'éléphant. Hashtag mémoire pleine ennemi. Hashtag frérot mets les gants. Hashtag c'est la haine. La violence est dans le game. Le game est dans la violence. J'suis venu pour tout baiser. Dis-moi par quel schneck je commence. J'suis venu pour tout enculer. Dis-moi par quel cul je commence. J'suis venu pour tout fumer. Dis-moi par quelle tête je commence. La violence est dans le game. Le game est dans la violence. J'suis venu pour tout baiser. Dis-moi par quel schneck je commence. J'suis venu pour tout enculer. Dis-moi par quel cul je commence. J'suis venu pour tout fumer. Dis-moi par quel tête je commence. Soit ton cadavre crève l'écran. Soit tu payes. La redevance, le flottillage est excellent. Et le texte émane de la semence. Sur le trottoir faut mettre tes dents. Écrasement tête et ça recommence. Ils y voient plus rien, j'coule avec Zénon. J'marche avec des désaccès sur ordonnance. Qu'est-ce qu'on s'en va les couilles de ta biatch. On est là pour le cash, c'est tout biatch. Foutre la putain de zone sous quadrillage. J'veux pas voir ce qu'ils font, c'est du gaspillage. J'fixe les règles sans prendre de mesure. Litron de sèche, j'enclenche la repu. Rico Wells s'assemble les chaussures. Esquisse tout, j'm'en branche, j'suis au-dessus biatch. Hein? Tout se paye, tout se monnaie, tout se vend, biatch. Hein? Tout se voudrait que j'y aille plus mon biatch. Hein? Mais j'suis qu'un débrouillard, balle au trap dans la main, biatch. Hein? Tout se paye, tout se monnaie, tout se vend, biatch. La violence est dans le game. Le game est dans la violence. J'suis venu pour tout baiser. Dis-moi par quel schneck je commence. J'suis venu pour tout enculer. Dis-moi par quel cul je commence. J'suis venu pour tout fumer. Dis-moi par quelle tête je commence. La violence est dans le game. Le game est dans la violence. J'suis venu pour tout baiser. Dis-moi par quel schneck je commence. J'suis venu pour tout enculer. Dis-moi par quel cul je commence.